Jérémie chapitre 5. Promenez-vous par les rues de Jérusalem, et regardez maintenant, et sachez, et vous enquérez par ces places, si vous y trouverez un homme de bien, s'il y a quelqu'un qui fasse ce qui est droit, et qui cherche la fidélité, et je pardonnerai à la ville. Que s'ils disent, l'Éternel est vivant, ils joueront cela plus faussement. Éternel, tes yeux ne regardent-ils pas à la fidélité? Tu les as frappés, et ils n'en ont point senti de douleur, tu les as consumés, et ils ont refusé de recevoir instruction, ils ont endurci leur face plus qu'une roche, ils ont refusé de se convertir. Et j'ai dit, certainement ce ne sont que les plus abjects qui se sont montrés fous, parce qu'ils ne connaissent point la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. Je m'en irai donc aux plus grands, et je leur parlerai, car ceux-là connaissent la voie de l'Éternel, le droit de leur Dieu. Mais ceux-là mêmes ont aussi brisé le joug, et ont rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les a tués, le loup du soir les a ravagés, et le léopard est au guet contre leur ville, quiconque en sortira sera déchiré. Car leurs péchés sont multipliés, et leurs rébellions sont renforcées. Comment te pardonnerai-je cela? Tes fils m'ont abandonné, et ils jurent par ceux qui ne sont point Dieu, je les ai rassasiés, et ils ont commis adultère, et sont allés en foule dans la maison de la prostituée. Ils sont comme des chevaux bien repus, quand ils se lèvent le matin, chacun hennit après la femme de son prochain. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation qui est telle? Montez sur ses murailles, et les rompez, mais ne les achevez pas entièrement, ôtez ses créneaux, car ils ne sont point à l'Éternel. Parce que la maison d'Israël, et la maison de Juda se sont portés fort infidèlement contre moi, dit l'Éternel. Ils ont démenti l'Éternel, et ont dit, cela n'arrivera pas, et le mal ne viendra pas sur nous ne verrons pas l'épée, ni la famine. Et les prophètes sont légers comme le vent, et la parole n'est point en eux, ainsi leur sera-t-il fait. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez proféré cette parole-là, voici, je m'en vais mettre mes paroles en ta bouche pour y être comme un feu, et ce peuple sera comme le bois, et ce feu les consumera. Maison d'Israël, voici, je m'en vais faire venir contre vous une nation d'un pays éloigné, dit l'Éternel, une nation robuste, une nation ancienne, une nation de laquelle tu ne sauras point la langue, et dont tu n'entendras point ce qu'elle dira. Son carquois est comme un sépulcre ouvert, et ils sont tout vaillants. Et elle mangera ta moisson et ton pain, que tes fils et tes filles doivent manger, elle mangera tes brebis et tes bœufs, elle mangera les fruits de tes vignes et de tes figuiers, et réduira à la pauvreté par l'épée tes villes fortes, sur lesquelles tu te confiais. Toutefois en ces jours-là, dit l'Éternel, je ne vous achèverai pas entièrement. Et il arrivera que vous direz, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous a-t-il fait toutes ces choses? Et tu leur diras ainsi, comme vous m'avez abandonné, et avez servi les dieux de l'étranger dans votre pays, ainsi serez-vous asservis aux étrangers en un pays qui n'est point à vous. Faites savoir ceci dans la maison de Jacob, et le publiez dans Juda, en disant, écoutez maintenant ceci, peuple fou, et qui n'avez point d'intelligence, qui avez des yeux, et ne voyez point, et qui avez des oreilles, et n'entendez point. Ne me craindrez-vous point, dit l'Éternel, et ne serez-vous point épouvanté devant ma face? Moi qui ai mis le sable pour la borne de la mer, par une ordonnance perpétuelle, et qui ne passera point, ces vagues s'émeuvent, mais elles ne seront pas les plus fortes, et elles bruissent, mais elles ne la passeront point. Mais ce peuple-ci a un cœur rétif et rebelle, ils se sont reculés en arrière, et s'en sont allés. Et ils n'ont point dit en leur cœur, craignons maintenant l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison, et qui nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés ont empêché qu'il ne vous arrivât du bien. Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants qui sont aux aguets, comme celui qui met des lacs, il pose une machine de perdition pour y prendre les hommes. Comme la cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraudes, et par ce moyen ils se sont agrandis et enrichis. Ils sont engraissés et parés, même ils ont surpassé les actions des méchants, ils ne font justice à personne, non pas même à l'orphelin, et ils prospèrent, et ne font point droit aux pauvres. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, Et mon âme ne se vengerait-elle pas d'une nation qui est telle? Il est arrivé en la terre une chose étonnante, et qui fait horreur. C'est que les prophètes prophétisent le mensonge, et les sacrificateurs dominent par leurs moyens, et mon peuple a aimé cela. Que ferez-vous donc quand elle prendra fin ?